Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1980. Elle a l'air de descendre d'une soucoupe volante. Coupe en brosse, air martial, les épaules et les biceps rembourrés dans un costume de super-héros, Grace Jones, la soi-disant panthère disco, vient de frapper un grand coup avec son nouvel album Warm Leatherette. Plus cool tu meurs, Grace Jones arrive de New York, c'est une mannequin noire, la seule avec Beverly Johnson qui a fait la couverture de Vogue. Elle a enflammé la piste du Studio 54 et le pop artiste Andy Warhol l'adore. Grace, quand je l'ai connue, était une chanteuse disco. C'était déjà une idole des homosexuels new-yorkais. Et qui dit homosexuel dit campy. Camp, ça veut dire second degré. Grace, par exemple, à l'époque, marchait volontiers à quatre pattes et rugissait sur commande parce qu'on lui avait dit quelque part que c'était une panthère noire, donc elle en rajoutait dans ce sens-là. Donc comme moi j'arrivais et que j'avais la mission de la mettre en valeur, donc je prends ce qu'il y a. Là j'ai une fille qui se met à poil tout le temps, qui marche à quatre pattes, je lui dis bon, on va la mettre dans une cage. À Paris, c'est elle qui a fait le show d'inauguration du Palace et choqué la ministre des Droits des Femmes avec ses photos en cage, mises en scène par son compagnon Jean-Paul Goud. Goud présente son égérie comme un samouraï africain, un soldat de plomb déviant, un clown tueur. Quant à Grace Jones, il faut dire qu'elle débarque dans un pays moins marqué par la ségrégation esclavagiste, mais obsédé par l'imagerie coloniale. D'ailleurs, John Casablancas, le patron d'Elite Model, l'avait prévenu. Vendre un mannequin noir à Paris, c'est comme essayer de vendre une vieille voiture que personne ne veut acheter. Laurent Rigoulet, écrivain et journaliste vinylophile. Elle arrive en France, un pays qu'elle trouve très raciste, mais dans ce racisme-là, elle constate aussi une espèce de fascination totale des Français pour les noirs très exotiques. Donc elle va jouer de ça, notamment à travers sa rencontre avec Jean-Paul Goud, qui va créer avec elle une image d'une femme noire guerrière, animale, jouant sur les clichés les plus bruts, parce qu'on la voit enfermée en cage. Elle dit que son début dans la musique en France est purement... pas accidentelle, mais très intéressée, c'est-à-dire que vraiment, tout de suite, sur des clichés assez longs, on la voit noire, donc on se dit, les noirs savent chanter, elle est belle, elle est mannequin, donc ça va marcher. Cette Grace Jones serait donc avant tout un produit. D'origine jamaïcaine, elle a tapé dans l'œil et l'oreille du grand marketeur du reggae, l'homme qui a propulsé le succès planétaire de Bob Marley, Chris Blackwell. Évidemment, il est fasciné par ce personnage et il lui crée un répertoire en utilisant des choses aussi différentes que avec le morceau des Pretenders Private Lives, avec un morceau de Tom Petty qui est un morceau assez fabuleux qui s'appelle Breakdown, qui, avec une chanson d'Igelin. Dans la presse, on apprend que Grace Jones ne connaît rien des chansons qu'elle interprète. Et pourtant, She Lost Control, reprise de Joy Division, dont le chanteur vient de se suicider, dégage une force surnaturelle. Miss Jones n'est pas seulement une égérie ou un produit, elle compte bien sortir de l'emballage. À l'image de cette pochette de disque dominatrice qu'elle a, dit-on, placardée sur les murs du studio d'enregistrement. elle fait un objet totalement moderne et elle est vraiment considérée comme la muse de Blackwell, de la même manière qu'elle a été considérée comme la muse de Good, mais en vérité, elle tire totalement les ficelles. C'est-à-dire que son interprétation, sa manière de s'approprier les morceaux, de propulser son image... Et donc, en fait, elle n'est pas la muse, elle est déjà la personne qui détient le pouvoir, quoi. Elle a totalement oscillé entre le sous-humain, réduite à l'état de créature exotique... Et le surhumain, c'est-à-dire qu'elle est déjà dans une... Elle n'est pas humaine, quoi. Et la manière dont elle interprète les chansons qu'elle joue sur ce disque-là, c'est qu'elle les propulse dans une autre dimension, mais c'est quasi cosmique, quoi. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, près de 40 ans plus tard, et après une célèbre couverture du magazine The Face, en 1982, sur Jean-Paul Good, l'homme qui a fait Grace Jones, c'est que Grace Jones s'est aussi faite toute seule. Et non seulement elle aura affranchi le modèle noir, mais elle l'aura embarqué dans le futur. Si on en arrive à l'héritage de Grace Jones, je pense qu'on peut assez vite parler de Black Panther, du film d'afrofuturisme de Jamel Monáe. Elle est un peu la pionnière de ça, enfin une des pionnières. Qu'est-ce que vous savez sur le Wakanda ? Des explorateurs l'ont recherché enfin. La Grace Jones de Warm Leatherette serait donc le prototype de l'héroïne du Wakanda, pays afro-futuriste de Black Panther qui n'a jamais connu la colonisation. Mais pas seulement. Post-genre, post-identitaire, elle se définit comme une énergie. Elle est transgenre, Grace Jones, à l'époque. Elle se présente tout de suite comme quelqu'un qui est totalement masculin, totalement féminin. Elle annonce déjà des bouleversements qui sont loin, loin d'être accomplis à l'époque. Elle annonçait d'autres modèles noirs, elle annonçait d'autres modèles sexuels. Grace Jones, c'est quand même à la fois, créer du désir et en même temps créer de la peur, quoi. Quelque chose de mutant et de véritablement intéressant, quoi.